بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسألك عن كلمة تاسع عشر لا حتى يسمع صوتك لأنما تتوحيد ما يحتاج أما هذا يحتاج مشاركتك وكما مثل الميكرو ما نتبع تابوا donc depuis hier j'enlève le micro et on entendait beaucoup mieux ta voix. Hier on entendait beaucoup le ventilateur, c'était un gros souffle derrière. Tu l'avais mis là aussi, je crois. Tu l'avais mis là. C'était proche de moi. Voilà, même c'était proche, il me donnait capte la voix, mais. Même là, on va entendre avec le micro il concentre sur la voix de celui qui parle, principalement. Tout le reste, les sons ils sont affaiblis. Ah ouais. طيب أسألك ما معنى أثري أثرية الانتيكيتي لا أثري أثرية شوز شوز أنتيك et comment tu dis antiquité أثرية أثرية شوز أحمد يا أثري يا فاسل أثري لا أثري وثرية سدي نعت on dira sont des choses مثلا تقول هذا شيء أثري c'est une chose antique maintenant antiquité en soi on l'a pris également ما هو الآثار القديمة نعم تذكر يتذكر المعلومات متحف المزي جولة أثناء مشاهدة مشاهدة c'est la contemplation en fait المباني construction الأواني les récipients les ustensiles إعلان les une annonce les annonces comment on dit les puits البير العبار نعم بير c'est le c'est le mufrad نعم طيب à la fin du ders on fera مراجعه des principales kalimat et je t'interrogerai comme tu l'as demandé en français et tu répondras en arabe inchallah ce sera pas tous les mots mais les mots principaux plus intéressants طيب الاسئله ما ماذا زار علي زار لا متحف ماذا كان محمود يكتب كان يكتب لا ليش يكتب كان ولا ما يعمل في الفعل كان سبب ما في rien du tout sur le verbe كان يكتب كان يكتب بعض attends كان ça change sur les attends c'est sur quoi que ça change كنتو par exemple كنتو مريضا ايوه مريضا c'est un verbe non c'est sur quoi ça sur quoi c'est un مريضا c'est خبر كان un peu la place de مفعول به اما sur le verbe ما يعمل الا الافعال في المعنى فقط اما في الاعراب فلا كان يكتب بعض الاشياء التي يشاهدها كم قضايا من الزمن في المتحف ثلاثة ساعات لا ثلاثة لا t'as pas pris les règles des les chiffres. Dans le texte, c'est écrit sawab. Thalas. Thalas sa'at. Aïe, thalatha bil fatha sa'at. Car sa'at, c'est un mu'annas. Féminin. Donc le nombre va s'opposer en genre au dénombré. Dans les règles des chiffres. Et tu diras thalatha, tout thalathata avec un ta, si jamais le dénombré est masculin. Le nombre va être féminin. On a pris ça dans Kitab Thani, Kitab 2, Kutub Madina, et dans Akhir al-Mutammima, Maskour Kazalik. Mada sayusajjilu Aliyun. بعد الأشياء الجديدة بعد الأشياء الجديدة التي يشاهده الذي يشاهدها من قبل لا هذه لا أيوة التي لم يشاهدها من قبل بماذا وصف محمود زيارتهما للمتحف بماذا كما لا ديكريس بيزيت لقد أعجبته وقال أنها كانت جولة مفيدة جولة مفيدة تصنف الشاهد بأنها كانت جولة مفيدة استمرنا كبالجية ماذا أعجب محمود فيها أعجب فيها أعجب فيها هو لين غا يكي ماذا أعجب محمود في ماذا أعجب محمودا فيها أعجبه أعجبه أعجبه أعجبه أعجبه أو tu peux dire أعجبته tu peux dire les deux non le meilleur c'est أعجبته mais tu peux dire أعجبه أعجبته أعجبه les deux tu peux les dire أعجبه أعجبه Les deux, Hamza, Moudoud. La différence, c'est qu'il y en a un T à la fin. Arjabat hu, Arjabahu. C'est la différence entre les deux. Sinon, les deux commencent par Hamza. Lazim. Sinon, le verbe, il change de sens. Aïwa, maz Arjabat hu. Arjabat hu. Fiha, al-atharu, qadimatu. Al-atharu, qadimatu. Wal-ba. والمباني والمباني الأواني زيد la phrase c'est dit c'est correct mais la phrase y ajoute والأدوات التي استعملتها القدماء في حياتهم هل سيشترك علي في رحلة القادمة نعم إن شاء الله ماذا ظن علي في اللحظة من اللحظات ظن أنه كان يعيش القدامى كان يعيش القدامى مثل القدامى مع القدامى يكتب في التكست معهم مع يعيش معهم أنا يعيش معهم يعني مع القدامى مع القدماء يعني مع القدماء مدينتي هل تذا لا غادي تسلى ما نعطيش ايوه انت بوتي لي فراز avec le harf et une chose que tu rajoutes vas-y mais lis directement et traduis لقد قرات خبرا في الاعلانات في الاعلانات اعلانات في الإعلانات طيب دونك جيلي دي جون اي فيلو دي انفو انفورماسيون دال جورنال دو ريز انونس نعم ensuite ارجو ان اذهب في هذا المتحف متحف مرة اخرى نعم j'espère que je vais aller que je vais partir dans ce قضيت وقتا طويلا وكان ما أردت من أن أخرج. C'est-à-dire que je suis passé longtemps là-dedans, là-bas, et malgré ça, en fait, je voulais toujours pas partir. Quand je m'ennuie pas. لا ما بس رابع أرجو لا رابع تمام رجع علي من جولته من جولته علي رجع إلى سوقه نعم ensuite يسجل بعض المعلومات عن الأشياء التي ما كنت أعرف جميع ما أعرفها مش بس كده سنين جامعة أنا ما أعرفها أسجل أسجل بعض المعلومات عن الأشياء نعم. التي ما أعرفها نعم donc j'ai enregistré des choses des connaissances noter là c'est plutôt noter ouais noter des connaissances par rapport chose que je ne connaissais plus, que je ne connais pas. Pareil. Après, on avait dit Sadis. Ah non, non. Là. On l'a fait ensemble. Non, c'était. Tassia, pour nos questions. Donnez les questions aux réponses. Tassia. Tassia. سجل محمود معلومة مفيدة. ماذا سجل محمود؟ Pourquoi c'est معمولة معلومة مفيدة وإنه pas معمولة مفيدة؟ هذا أمس إن الجمع المؤنث المؤنث السالم قد منصوب إلى كسر. نعم منصوب الكسر. طيب بعده. كانت زيارة ممتعة رائعة. كيف كانت هذه الزيارة؟ ما معنى رائعة؟ رجع قوار رائعة؟ ممتازة. وظن أنه يعيش معهم. ماذا ظن محمود؟ كيف يقص محمود؟ قرأ الإعلان أثناء توجيهه في السوق. متى؟ نعم متى؟ متى قرأ الإعلان؟ نعم. كان القدماء يشربون من ماء الآبار. أيوة. من أين كان القدماء يشربون الماء؟ D'autres que les anciens buvaient de l'eau. لم يرى محمود مثل هذه أواني قبل زيارته في المتحف. هل نعم؟ هل محمود رأى مثل هذه الأواني قبل زيارته للمتحف؟ نعم. Après je devais faire un os. Tu l'as fait? Oui. ما خلاص خلي ما. Ah? Laisse-le juste pour que tu l'aies fait en fait. C'est bon, tu vas écrire. Ça, ça prend du temps, si tu veux. طيب نأخذ الآن الدرس الرابع عشر. كلمات دائما مازلنا في المتحف. في متحف الآثار. Dans le musée des antiquités. كلمات الجديدة. تكون يتكون وكذا حزنا ما معنى؟ أكرب تسمع. Composé. طوابق. C'est le jam de طبق. c'est un niveau, un étage. Tarikh, date ou histoire. El Milad, quand il veut dire comme le Milad, il veut dire par là la chrétienne, avant la naissance de Isa alayhi salam. Milad, c'est une naissance. Puis c'est par là la naissance de Isa. En se basant sur le calendrier grégorien, ce qui est une erreur. Elle est hijri aoula. Maudoua. Maudoua. Ça peut être inventé, ça peut être posé là dans le texte. Là, c'est posé, rangé. Iktashafa ou iktishafun, c'est une découverte. Azina, c'est une parure. Adawat et Zina, c'est les outils de parure, les poussons bélières. Arkanun, c'est ma'louf. C'est quoi Arkanun ? Les piliers. Piliers. Hadidun, du fer. Du fer. Lawhatun, c'est une pancarte, un panneau. L'encre aussi, non ? Hmm ? C'est pas de l'encre, de l'encre aussi. L'encre c'est Ibr ou Midad. Le Ouhala c'est une planche, une pancarte, un panneau. Oui, bah, à la place de. C'est toi qui vas lire le texte. Et je traduis. Anna, je traduirai, toi tu lis phrase par phrase, moi, un autre algèbre. Ça remplacera le texte que tu as écrit en récit. Il n'y a pas de hiwa, c'est un os. Tfaddal. Dakhala Aliyun Muthafa. Al Muthafa. Farahu Yatakawwanu min thalathati tawabiq. وفي الطابق وفي الطبق وفي الطابق في الطبق وفي الطبق الأرضي وجد نفسه في صالة المفرد في الطابق طابق طابق الأرض الأرضي الأرضي وجد نفسه في صالة كبيرة مزدحمة بالزائرين. Donc Mahmoud ou plutôt Ali est entré dans le musée. Il y a vu que se composait de trois étages. Et dans le rez-de-chaussée, dans Tabak al-Ardi, c'est le rez-de-chaussée en fait. Il s'est trouvé dans un salon, grand salon, rempli de visiteurs. Bondé de visiteurs. Zahirin, c'est les visiteurs. Wafi al-Tabak al-Awwal, Shahada Aliyun al-Athar al-Lati, Ya'oudu tariqha ila ma qabla. ميلاد المسيح عليه السلام وهي موضوعة بطريقة منظمة وأمام كل أثر لوحة توضح رقمه وزمنه ومكانه والتاريخ اكتشافي. Donc dans le premier étage, il a constaté les antiquités qui remontent, dont la date remonte avant la naissance de Isa alayhi salam. Et elles sont posées d'une façon rangée, et devant chaque antiquité, il y a une carte ou un panneau indiquant son numéro. Et la. Et son époque et de sa location, c'est-à-dire d'où elle était trouvée, et la date où elle était découverte. La date de sa découverte. Ba'dan qada aliyun akthar min sa'atin fi hadha at-tabiq. C'est ça en fait, il y a une erreur, c'est tabiq, c'est tabiq, c'est ce qui me semblait aussi. Ça, c'est un fa'il. La voix de fa'il, c'est tabiq. هذا الطابق سعيدة إلى الطابق الثاني. Beaucoup de vagues impressionnantes celui-là. نعم. فشاهد فيه آثارا تعود إلى ما بعد الإسلام. تعود إلى ما بعد الإسلام. وكانت معظم هذه الآثار من الأواني المنزلية كالملعقات والسكين وأدوات الزينة. زينة. Attention. Zina et zina, c'est pas pareil. Nazkour, au début de mon islam, j'avais rencontré un frère qui parlait d'une sœur, et elle s'appelait en français, ça c'est zina, tout simplement. Moi, je connaissais pas les mots. Je connaissais le mot zina, tu vois, de l'arabe, ça veut dire fornication. Il dit, comment les parents, ils appellent leur fille comme ça et tout. Le frère me dit, c'est les gens aujourd'hui, ils sont trop ignorants. En fait, c'était nous qui, étions trop ignorants. Moi, c'était zina, en sens de beauté, parure. On a cru qu'on avait compris, mais en fait, on n'avait rien compris. هذا يسمى جلب مركب. الزينة التي صنعت من الحديد والذهب أو من المعدن. أو من معدن آخر. يا با ال. Donc Ali y a passé plus d'une heure dans cet étage. Ensuite il est monté au deuxième étage. Il y a vu des antiquités remontant d'après l'islam, année après l'islam. Et elles étaient, et la plupart de ces antiquités étaient des récipients domestiques de la maison, comme par exemple la cuillère, le couteau, ou des instruments de beauté, pour se parer de beauté. Celles qui étaient construites à partir de fer, ou d'or, ou d'autres métaux. Ma'adim, c'est métal. Du coup, c'est Tabari ou Tabir? C'est Tabir. Parce que là, ils ont refait la faute, t'as vu? C'est Tabir, c'est Tabir. C'est Tabir, c'est ce que je fais à elle. C'est Tabir, c'est Tabir. Shahada Aliyun al-Adawati. Al-Zira'iyya. Wa ra'a fi ahadi arkani. Hada Tabir. Adawati al-Harb. Adawati al-Harb. المختلفة. Donc ensuite, dans le troisième étage, Ali y a vu les outils d'agriculture. Et il a vu dans l'un des coins de cet étage, on va dire, les outils de guerre différents, de différentes sortes. وبعد انتهى علي من جولته في توابق الثلاثة خرج مسرورا وقد قضى يوما سعيدا في هذا المتحف. Et après que Ali ait fini sa tournée dans les trois étages, il est sorti heureux et il y a passé une bonne journée, une journée heureuse, on va dire une bonne journée dans ce musée. طيب. من هنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء من آثاره. Il reste plus rien de lui. Que les gens restent à croire qu'il reste telle et telle chose de lui, il reste plus rien de lui. طيب, ni adawat, ni malabis, ni silah, ni rien du tout. Il reste plus rien du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم de ce qui est matériel. Il reste sa sunnah et sa religion, bien évidemment, la science qu'il a laissée, mais tout ce qui est attrait à ses biens, il ne reste plus rien. Là, sa tombe qui est encore là. Là, c'est autre chose. Parce qu'il est. Pourquoi? Parce que ça a été bien. Là, ça n'a pas tenu avec le temps. Ah, et puis, c'est peut-être la tête de Dine, car là, il a fait que c'est pas assez. Est-ce que les gens, ils l'auraient pris au fan baraka avec? C'est sûr. Tu vois, ils ont fait du shirk avec. Il y a des gens aujourd'hui qui prétendent se balader avec ses cheveux. Parmi les Arbèches, t'en as, ils viennent. Ils disent qu'il a des cheveux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils touchent les gens avec. Les gens, ils sont comme des fous. Genre, j'ai la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà Moustan, il reste rien du tout de lui. Taïeb. Donc après, c'est l'asile relatif au texte. Mimma yatakawanu al-mutahaf. De quoi se compose le musée? Maza shahad aliyun fil al-tabiq al-awwal. Qu'est-ce que Ali a vu dans le premier étage? Kam qada aliyun fil al-tabiq al-awwal. Combien de temps y a-t-il passé? Fi ay zamanin stumilat athar al-athar lati shahadaha. في التابق الأول. De quand date les antiquités utilisées qu'il a vues dans le premier étage. مما صنعت أدوات الزينة. De quoi sont fabriqués les outils de parure, de beauté. أين وجد أدوات الحرب. Où as-tu trouvé les outils de guerre. كيف صنعت الآثار. De quoi sont fabriqués, on va dire les antiquités. كيف خرج علي بعد انتهاء جولته. Comment est-ce que Ali est sorti de cette sortie. Et ما الفرق بين آثار الطابق الأول والثاني. La différence qu'il y a en fait non entre le premier et le deuxième étage. C'est bien tabiq avec un fatha. J'ai vérifié là. Peut-être que les autres deux existent en fait. Ça va être un autre sens. Un ouais. Étage c'est tabiq avec une fatha. Donc c'est eux qui ont raison. Non, ils se trompent aussi parce qu'ils ont mis tabiq. Mais la première chose qu'ils ont citée, c'était bien la bonne écriture. Bil fatha. Tabiq. Donc on rectifie, c'est tabiq. Et là où il écrit tabiq, à la base, c'est un wazn qui existe, mais ce n'est pas le sens. Yaqul Mouad Aashi al-Nasla aussi. Question de culture, on n'a pas besoin. طيب الثاني. On a des mots dans le namouzaj qu'il faut classer en phrase. التابق الثالث مشاهدة الأدوات الزراعية. C'est devenu وفي التابق الثالث شاهد الأدوات الزراعية. Bon, premier troisième étage, il a vu des outils d'agriculture. Donc là, on fait pareil avec les phrases, les mots qui sont en dessous. Tu fais une phrase. المتجر الثاني شراء الأجهزة الكهربائية. Okay. وفي Ah, c'est quoi le premier mot? Matjar. C'est deux, en fait, c'est un magasin. C'est un magasin. Okay. Donc, deuxième magasin. Moi, fil matjar, le second, j'tara. J'tara. Ah, ouais. Yamed, j'tara. J'tara. Il n'y a pas ha, il n'y a pas de domaine. J'tara. J'tara. J'tara. J'tara. J'tara. J'tara. Ah, ok. وفي المتجر الثاني اشترى الأجهزة الكهربية كهربائية الكهربائية. اليوم الأول إكمال الواجبات اليومية. Premier jour finir les devoirs du jour. في اليوم الأول كملت. لا c'est pas كمل c'est إكمال. Ça vient de quel verbe إكمال. C'est pas Kamel. Ah ouais, c'est bien de Akmel. Akmala. Okay. Akmala. C'est comment ça c'est... Après, ah ouais, c'est... Comment je fais. Tu mets le reste. Bon, après. Je veux juste Akmel. Akmala. Ah, Akmala. L'Wajibat Al-Yomiyya. Al-Wajibati Al-Yomiyyata. Al-Am Arabia. Dirasa. Al-Ulum Al-Islamiyya. Il y a quatrième année, études, les sciences islamiques. Darasa. Darasa. Al-Ulum, Al-Ulum, Al-Islamiyya. Taïb, n'a qu'il faut n'as, le reste, vraiment facile, ça m'a fiché. Là maintenant, c'est quoi? C'est remplir les trous avec les kalimètes qui correspondent. عندنا آثارا موضوعة أركان اكتشاف طوابق لوحة. جمل أولى نسكن منزلا يتكون من ثلاثة nous habitons une maison qui se compose de trois طوابق. كانت كل الأواني بطريقة منظمة. Que tous les récipients étaient de façon ordonnée. موضوعة. وضعت أمام كل أثر توضح تاريخه. تاريخها تاريخه نعم توضح تاريخه qu'elles ont été posées devant chaque antiquité clarifiant sa date. نعم لوحتون يرجع هذه الاثار لزمن قريب que revient on va dire en français c'est hein, de ces antiquités à une époque proche. Regarde, l'ouha, c'est un naïf fa'il, oudi'at, à la wasfu ila. Tu vas apprendre, Inch'Allah, dans la Jérumiya. Yerji'u. Argan, non ? Ah. Je sais pas. Si, tu sais. Parce que j'ai pas écouté, j'ai déconcentré sur le. Yarjiu, a dit l'athar, il est zemelin qarib. Que revient le de ses antiquités à une époque proche. Mahou. C'est quoi, Yarjiu, c'est quoi comme sens ? Que revienne ? Ça revient d'une date, quoi. Ça date. Ah. اكتشف ايوه لا ديكوفيرت شاهد زائرون كثيرا que le visiteur a vu beaucoup de اثار نعم اثارا كثيرا كانت في كل ركن في كل ركن من المتحف لوحه توضح نوع الاثار il y avait dans chaque pilier du musée des panneaux qui indiquent le genre d'antiquité. Arcan. En l'autre, le rabia, c'est juste du mettre du féminin au masculin, c'est pas intéressant. C'est des choses qui sont déjà acquises, alhamdulillah. On va faire le khamis. Et loin joindre les phrases du qaima alif ou qaima ba. Alif yaqul ya'udu tarikh al-athar. Donc la date de ces antiquités. Yatakawwanu al-mabna. La construction se compose de wudi'at fi at-tariq. Elles sont déposées dans le chemin. Tusna'u as-suyuf. Les épées sont fabriquées de أعجب الزائر بصورة كل بصورة كل visiteur a été aimé l'image. Ça c'est alif ba لأنها واضحة وجميلة car elles sont claires et belles من معدن معدن الحديد de fer من الطابقين des deux étages il est ma قبل l'islam juste à l'époque d'avant l'islam لوحات ترشد سائقي السيارات des indicateurs des panneaux qui indiquent ou qui indiquent aux chauffeurs de voiture conducteurs de voiture ايوه الاول يعود تاريخ الاثار الى ما قبل الاسلام احسنت يتكون المبنى من طبقين نعم وضعت في الطريق لأنها لا posé ont été posés dans la route لوحاتون parce qu'il est même dit le majhoul comme l'autre tout à l'heure c'est n'importe quoi t'as pas encore appris ah ouais là c'est le même tous nos souyoufou min ma'din al hadid non ça c'est la même règle et كذلك الخامس اعجب الزائر بالصوره pareil لانها واضحه وجميله نعم لا في اعجب الزائر لا même règle là c'est un bizarre, c'est un verbe mourir sira s'appelle non c'est très simple quand tu vas on prend la règle donc pas s'attarder c'est une règle de nahou mais c'est très très simple alhamdoulillah après il veut que tu utilises les mots plus, suivants dans des phrases مفيدة هذا للغد وضع الحديد الزينة ركن يتكون اكتشف المتحف سكين. Et tu vas faire également le sabia. Fais le bait. C'est mettre les phrases dans l'ordre. On a wasala Ahmedu al-Mothaf. Que Ahmed est arrivé au Mothaf. Allez yatakawanu min tabakain. Celui qui se compose de deux étages. Washahada fi al-adawat allati suni'at min al-hadid kal mil'aqati wa sikin. Il y a vu des ustensiles qui ont été fabriqués de fer comme la cuillère et le couteau. Fasa'ada ila tabak al-awwal. وشاهد فيه الأدوات أدوات الزينة. Il est monté au premier étage, il y a vu les outils de parure, de beauté. صعد الطابق الثاني, il est monté au deuxième étage. وبعد أن قضى وقتا في الطابق الأول, et après qu'il ait passé un temps dans le premier étage. Non, bon, c'est pas franchement, c'est très facile. C'est presque déjà fait. Quand je disais tout à l'heure, je disais mais ils ont rien fait en fait. En fait. Hasa fakat. L'exercice, franchement, c'est plus de faillite de les faire, c'est acquis, tu vois. Les importants, c'est surtout le vocabulaire, certaines règles liées au tarbir, amma, le truc qu'ils exaltent, qu'ils donnent là, c'est franchement, c'est. Non. Je veux dire, en fait, toi, t'es au niveau au-dessus de. Et du coup, tu penses qu'on va faire le 3 ou quoi? Inch'Allah, ça n'a pas de chouf, qu'est-ce que c'est, quoi. ويفعلونه والحمد لله رب العالمين.